1, je rappe cru comme sushi. Je fais pétant comme Gucci, Gary, boum, ça sent le Gucci. Phénomène en rapologie, anthologique, moi magique, tout comme Fuji. Coupon rougi, rigolade, string sex bougie, sky fit limonade, bête de bison, coup un bisou. La rigolade, non c'est un bijou. Des style, freestyle, on s'en mort. Terminator, PSA, Sarah Connor, $19, punchline sonore. Musique de Tola, what type cooler. Et de un, je kick ça mal. Moi je viens d'ailleurs, je suis Superman. Je pète les murs, mon Excalibur. La vie est dure, donc je prie sa manne. Et de un, je kick ça mal. Moi je viens d'ailleurs, je suis Superman. Je pète les murs, mon Excalibur. Viol lyrical, objet pris perpète. Avis médical, stop, zik la compète. Blessé M6, pas bien, pas gentil. Hades a changé, mais KO comme coup de pompe dans la tête. Et Tex Madin Brico, Rama, prix qu'on ralasse. Le Bico, magique, calage, barrage, PD, la plage, l'été. L'oseille en parade, ton canapé, demoiselle m'a trouvé. Dans la bravo, j'ai prouvé. OP, gros, Huck, choqué, dopé. Ça, ok, pour ta pomme, ça rouvé. Basic Scorpion pour me sauver. J'ai vu l'avenir exploser, piller, pisser, déshabiller la pute qui a voulu nous boycotter. Et de un, je kick ça mal. Moi, je viens d'ailleurs, je suis Superman. Je pète les murs, mon Excalibur. La vie est dure, donc je plie sa manne. Et de un, je kick ça mal. Moi, je viens d'ailleurs, je suis Superman. Je pète les murs, mon Excalibur. La vie est dure, donc je plie sa manne. Je plie sa manne. Écoute mon vieux, on vient foutre le feu avant de dire adieu. Je plie sa manne. C'est pour Charles du Gouffre, pour ma place des fêtes. Allume ton joint de bleu. Je plie sa manne. Pour les repentis, pour la France entière, pour le 6032. Je plie sa manne. Hades, fois, fois, fois, fois, fois, fois, plus.